Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une émission à la gloire de la démesure. La démesure encore et toujours. Orson Welles, né en 1915, Orson Welles, producteur, interprète, réalisateur, comédien. Avant de s'envoler pour Hollywood, contrat en poche, qu'avait-il fait, Orson Welles? Qu'allait-il faire, surtout? Réinventer le cinéma en tournant Citizen Kane. Rosebud, la petite boule à l'intérieur de laquelle il neige sur un chalet. Vous vous souvenez, la clé de toute une existence. Kane. Les proches de Kane n'apprennent rien aux journalistes qui enquêtent. Ainsi, sa deuxième femme, ivre, refuse de parler. Kane, un des hommes les plus riches du monde. De sa volonté forcenée du château de Xanadu, de la poursuite dans les égouts de Vienne, mais là, nous sommes dans un autre film, de Cocteau parlant du Macbeth de Welles, et Orson Welles aussi, lui-même, en VO, de tout cela, il sera question dans Les Rois de la Nuit, diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale le 27 novembre 1949. Les Rois de la Nuit. Les Rois de la Nuit, aujourd'hui l'œuvre d'Orson Welles avec Pierre Larquet, Jean Cocteau et Orson Welles. Production Maurice Cazeneuve, Maurice Bessy et Pierre Vialet. Je représente, paraît-il, le spectateur moyen. En tous les cas, c'est l'opinion d'un de mes chers cousins de province auquel j'écris régulièrement pour le tenir au courant de l'activité des grands metteurs en scène de cinéma. Je lui ai dit, une fois pour toutes, on ne pénètre pas dans la vie d'un homme, mais on peut essayer d'en connaître différents aspects. Avec ça qu'il se débrouille. Voici le texte de ma lettre sur Orson Welles. Mon cher cousin, un seul Orson Welles suffit. Deux entraîneraient sans doute la fin de la civilisation. 10 000 feraient exploser la société comme une bombe. Maintenant que tu es dans l'atmosphère, mon cher cousin, laisse-moi te dire qu'Orson Welles est né en 1915. Oui, il a 34 ans. Toi qui nous rebats les oreilles avec ta vie bien remplie, ta famille et ton commerce, écoute. Projetez les actualités. mai 1915, naissance à Kenosha, Wisconsin, ville de 53 000 habitants, de George Orson Welles. Son père est petit industriel et inventeur. Sa mère, née Béatrice Yves, pianiste virtuose. Orson Welles, à l'âge de 2 ans, parle l'anglais comme un adulte. Sa précocité devient l'objet d'observation et de communication par le docteur Maurice Berstein. Orson Welles a 5 ans. Il met en scène ses premières pièces dans un théâtre de marionnettes qu'il a construit lui-même. 1911, enregistre, mastique, joue. À 11 ans, il fait tout seul et à pied le tour de l'Europe. Astruc le compare à Diderot, dont il aurait le mouvement incessant, la précipitation d'esprit, la hantise du pouvoir entremêlée à celle de l'échec, le côté salmigondis à la Druse, amoncellement, catalogue de toutes les sciences possibles, le journalisme et la poésie pure, l'arrivisme forcené et le mépris du succès. Le besoin de tout contrôler, tout faire, tout tâter, la gloutonnerie du savoir, la frénésie de travail, le débraillé, mais aussi le jansénisme vestimentaire, le col dur carcané, la démesure, surtout la démesure encore et toujours. On le retrouve dans un cirque. Orson Welles est aussi magicien, il revient au théâtre, monte, entre autres pièces, Macbeth avec une troupe noire. Rédige les recettes culinaires de l'almanach paysan, devient le champion des émissions publicitaires, des potages Campbell, avant de provoquer suicide et accouchement prématuré, en faisant débarquer les habitants de la planète Mars sur la Terre libre d'Amérique. Orson Welles édite la Bible sur disque du commerce. Illustre et commente des éditions scolaires de Shakespeare, fume des cigares, devient un spécialiste des vins français, invente des plafonds dans les décors de cinéma, fait de la peinture, joue du piano, consomme de ces espèces de filles connues désormais sous la dénomination de pin-up, épouse en 1934 Virginia Nicholson, dont il divorce, sème la parole antifasciste, épouse en 1943 Rita Hayworth, dont il divorce, et à ses moments perdus, tue quelques taureaux par-ci par-là dans les arènes sud-américaines ou espagnoles. Et maintenant, si tu le veux bien, mon cher cousin, revenons à 1939. À cette époque, Orson Welles vient de secouer l'Amérique avec son émission sur le débarquement des Martiens. En quelques jours, il est célèbre. Les RKO, firme américaine de production, l'invitent à faire du cinéma. Orson Welles s'envole pour Hollywood. Où il débarque affublé d'un costume à rayures blanches, d'une femme fétiche, d'une barbe et d'un contrat. Par ce contrat, Orson Welles s'engage à faire un film par an. Suivant son désir, il peut en être le producteur, le metteur en scène, le scénariste ou l'interprète, ou tout à la fois. Par la même occasion, il reçoit une avance de $150,000 et la malédiction de ses nouveaux concitoyens. On se moque publiquement de sa barbe. Barbe qu'Orson Welles destine à son premier film, Le cœur des ténèbres, d'après un conte de Joseph Conrad. Mais la guerre éclate en Europe et Orson, pour des questions de budget, doit renoncer à son projet. Pendant qu'un second projet de film échoue, Orson se familiarise avec toutes les possibilités de la technique cinématographique. Il les digère, réinvente le cinéma et commence Citizen Kane. Le film commence par une série de vues nocturnes du château de Xanadu, gigantesque palais où sont entassés pêle-mêle les œuvres d'art les plus rares, les animaux les plus impossibles. La caméra pénètre dans la chambre du château où meurt Ken. Ken tient dans sa main une petite boule de verre à l'intérieur de laquelle il neige sur un chalet. La boule roule à terre. Ken meurt en prononçant un mot. Et aussitôt... You, on the march! Aussitôt, on voit se dérouler sur l'écran une suite de vues d'actualité illustrant la vie publique de Ken et nous fournissant, dans le reportage de News on the March, l'état civil du personnage. Nous apprenons ainsi la construction du formidable château de Xanadu, les origines de la fortune de Ken, sa carrière de mania de la presse, sa liaison avec la piètre chanteuse Susan Alexander. Nous apprenons aussi que Ken était considéré par les uns comme un fasciste, par les autres comme un communiste et par lui-même comme un simple Américain. Dès que le mot fin apparaît sur l'écran, la caméra recule et découvre une salle de projection où des journalistes discutent. Bonne série d'images, hein, ces actualités. Mais vous voyez, ce qui leur manque, c'est un fil directeur. Comme tout ce que nous avons vu sur cet écran, on a fait que nous apprenons que Charles Foster Kane était mort. Ça, je le savais. Ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, ils ne savent pas grand-chose sur Kane. Leur seul point de départ est le mot Rosebud que Ken a prononcé en mourant. Cherchez donc la tête de Rosebud, il faut à tout prix trouver. Faible indication qui désigne peut-être simplement le nom d'un cheval. Mettez-vous donc en rapport avec toutes les personnes qui ont connu Ken, c'est-à-dire celles qui l'ont simplement approché aussi bien que les intimes. Le directeur du journal filmé charge alors son reporter Thompson de résoudre ce problème. Bernstein, his second wife. She's still living. Susan Alexander Kane. Running a nightclub in Atlantic City. Yeah, that's right. See them all. Get in touch with everybody that ever worked for him. Whoever loved him. Whoever hated his guts. I don't mean go for the city directory, of course. I'll get on it right away. Nous allons suivre maintenant l'enquête de Thompson. Le récit de chacune de ses visites se matérialisera sur l'écran. Tout d'abord, Susan Alexander, la seconde femme de Ken, qui dirige maintenant une boîte de nuit à New York, n'apprend rien à M. Thompson. Miss Alexander. This is Mr. Thompson, Miss Alexander. I want another drink, John. Right away. You have something, Mr. Thompson? I'll have a highball, please. Who told you you could sit down? Elle est ivre et refuse de parler. Would you people leave me alone? Minding my own business, you mind yours. I could just have a little talk with you, Miss Alexander. I don't want to ask you. Get out of here. Get out! Sorry. Get out. Maybe some other time. Thompson se rend alors à la bibliothèque Thatcher. I remember. Here's James. I'll bring him right in. All I want under no circumstances are direct quotations from his manuscript to be used by you. Well, that's all right. I'm just looking for what. Là, il apprend par un manuscrit qui se transforme en image que la première rencontre Ken Thatcher remonte à 1871, alors que Ken était encore un enfant. Nous le voyons jouer dans la neige avec son traîneau, pendant que Thatcher négocie avec les parents de George Foster la gérance de la fortune de ce dernier jusqu'à sa majorité. Thatcher enlève l'enfant Ken, qui désormais vivra à New York. C'est Noël. Merry Christmas, souhaite Thatcher à l'enfant. Et il enchaîne, 20 ans plus tard, un Happy New Year. Ken a grandi. C'est l'un des hommes les plus riches du monde. La presse le fascine. Il achète un journal, l'Inquirer. Grâce au dynamisme de Ken, le tirage monte, pas assez vite. Ken achète d'un bloc l'équipe de reporters qu'un journal concurrent a mis 20 ans à réunir. L'Inquirer devient le premier des quotidiens. Cela se fête. Par le truchement de différents collaborateurs de Ken, nous apprenons l'histoire de ce journal. Le mariage de Ken avec la nièce du président des États-Unis, ses démêlés politiques, son histoire d'amour avec Susan Alexander, pour laquelle il divorcera. Dans le récit que Susan Alexander fait de sa première rencontre avec Charles Foster Ken, un soir où il était parti à la recherche de sa jeunesse, se trouve l'indication révélatrice du caractère de Ken. C'est cette hantise des illusions de son enfance qui le rapprochera de la médiocre Susan. Elle aussi a la nostalgie de ses désirs adolescents. Elle veut devenir chanteuse. Cette identité de désir explique chez Ken cette volonté forcenée de faire réussir Susan dans la carrière de chanteuse. Bien qu'elle n'ait aucun talent, comme vous allez pouvoir en juger, il fait construire pour elle l'opéra de Chicago. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Succès en un succès, Susan Spector chaque soir son drame. Thank you. Pour ne plus endurer ce martyre, elle tente de se suicider. Kane s'enfonce petit à petit dans la solitude, ou plus exactement, dans l'égoïsme. Il fait construire le gigantesque château de Xanadu pour y vivre avec Susan. Pour se distraire, ils organisent des pique-niques. It can't be love, for there is no true love. I know I played at the game like a wolf in a blue clay, lost in the end just the same. Des pique-niques intimes, composés de 25 voitures, d'un jazz, d'une colonie de maîtres d'hôtel, de tentes brochées d'or avec sofa, tapis de fourrure et vaisselle plate. Susan reproche à Ken de ne lui avoir jamais rien donné, mais seulement acheté comme il achète n'importe quoi d'autre. What's the difference between giving me a bracelet or giving somebody else $100,000 for a statue you're going to keep crated up and never even look at? Just money, it doesn't mean anything. You never really give me anything that belongs to you, that you care about. Susan, I want you to stop this. I'm not going to stop it. Right now. You never gave me anything in your whole life. You just tried to buy me into giving you something. Susan! Dernier échec, Susan part. Quelques jours plus tard, il meurt en prononçant ce mot énigmatique de Rosebud. Les journalistes renoncent à en découvrir le sens. Ils abandonnent. If you could have found out what Rosebud meant, I bet that would have explained everything. No, I don't think so. No. Mr. Kane was a man who got everything he wanted and then lost it. Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost. Anyway, it wouldn't have explained anything. I don't think any word can explain a man's life. No, I guess Rosebud is just a piece in a jigsaw puzzle. A missing piece. Well, come on, everybody. We'll miss the train. Abandonne les milliers de caisses, d'objets précieux empilés après la mort de Ken dans le hall de son château. La caméra survole ces objets pour aboutir à une espèce de bric-à-brac que des ouvriers jettent dans la chaudière. Throw that junk. Parmi ces objets, nous reconnaissons le traîneau de Ken enfant. Le traîneau sur lequel une simple marque donne la clé d'une existence, Rosebud. Ce film passe au montage le 23 octobre 1940. Alors commence une sombre histoire. Une certaine Miss Luella Parsons, représentante à Hollywood William Randolph Hearst, magnat de la presse américaine, entend d'étranges rumeurs. Elle ordonne une enquête et télégraphie à son patron que la vie de Ken est sa biographie et qu'il y est présenté sous un jour plutôt défavorable. Hearst demande l'interdiction du film. Il se heurte à un refus. Toute la presse Hearst critique avec violence l'œuvre de Wells. Ce dernier jette de l'huile sur le feu en déclarant « Quand j'aurai terminé Citizen Kane, je travaillerai sur une idée de grand film concernant la vie de William Randolph Hearst. » La presse entière de Hearst se déchaîne alors contre Hollywood, la RKO et Orson Welles. Un groupe se forme pour acheter et détruire le négatif ainsi que toutes les copies du film. Le feu se développe encore quelques mois, puis s'apaise. Citizen Kane est enfin projeté sur les écrans américains. En 1942, Orson Welles écrit, commente et réalise La splendeur des Ambersons. Dans une petite ville des États-Unis, à la fin du siècle dernier, la grandeur des Ambersons brille de son dernier éclat avant que les inventions mécaniques ne consacrent son déclin. Par orgueil, les personnages manquent leur vie. Isabelle, la mère de famille, meurt presque de chagrin. Le vieux major Amberson se rend alors compte qu'en quelques années, il a perdu son gendre, sa fille, sa puissance, sa fortune, et qu'il va mourir. Le plan que nous vous présentons maintenant est en version originale. La présence d'Orson Welles, en effet, est irremplaçable. Il commente l'action. L'image est indiquée comme suit dans son scénario. Intérieur de nuit, gros plan. La lumière scintille sur le visage du major Amberson qui regarde droit devant lui. Bruit de conversation. La lumière devient plus forte. Musique. And now, Major Amberson was engaged in the profoundest thinking of his life. And he realized that everything which had worried him or delighted him during this lifetime, all his buying and building and trading and banking, that it was all trifling and waste beside what concerned him now. For the Major knew now that he had to plan how to enter an unknown country, where he was not even sure of being recognized as an Amberson. Father? Father? That was an Isabel's name, wasn't it? Yes. Can you remember when you gave her the deed, Father? No. No, I can't just remember. It doesn't matter. The whole estate's about as mixed up as an estate can get. You ought to have that deed, George. No, don't bother. It must be the sun. I wasn't anything here. The sun in the first place. Sun. Earth came out of the sun. We came out of the earth. D'ailleurs, Orson Welles n'a jamais vu son film. Il prétend que dans Les Ambersons figurent deux séquences qu'il n'a même pas dirigées, notamment le dénouement qui fausse complètement l'esprit du film tel qu'il le concevait, c'est-à-dire l'écroulement d'une grande famille américaine. Orson Welles nous dit, je ne m'étais du reste étendu sur la splendeur des Ambersons, que dans l'intention d'en mieux faire ressortir, par contraste, la faillite. Et il ajoute, quand j'ai voulu aller voir ce film, Joseph Cotten m'a supplié, n'y va pas, tu vas encore t'énerver. « Après les Ambersons, Orson Welles interprète Le Voyage au Pays de la Peur, Jane Eyre. Il revient au cirque avec des numéros d'illusionnisme, coupe Marlène Dietrich en morceaux dans un film éducatif destiné à l'armée américaine, tourne à l'étranger et, en 1946, La Dame de Shanghai, où Rita Hayworth chante. Pas plus que les Ambersons, Orson Welles n'est jamais allé voir La Dame de Shanghai. Il déclare du reste à propos de ce film, « On m'imposait avec The Lady from Shanghai une histoire policière. Soit, je m'astreignis à la transfigurer. Sous l'anecdote absurde, j'essayais d'exprimer l'absurdité d'une société décadente. Fini. Mais je vous dirais qu'à l'heure actuelle, je cherche encore à m'y retrouver, lorsque j'y songe, dans cette abracadabrante intrigue. Si Orson Welles ne s'y retrouve pas lui-même, n'insistons pas. Voilà. Avant d'aborder l'autre question, permets-moi, mon cher cousin, de te rappeler qu'Orson Welles est un des premiers à avoir utilisé sur sa caméra un objectif réel. Avec cet appareil, on n'a pas besoin de mise au point. Du gros plan à l'infini, l'image est nette. Grâce à ce procédé, l'acteur retrouve en scène toute sa liberté de mouvement. On n'a plus besoin de photographier un gros plan, puis une vue plus lointaine. Sans interruption et sans être poursuivi par une caméra montée sur rail, celle-ci restant fixe, l'acteur peut s'en approcher ou s'en éloigner selon les besoins de la mise en scène. La photographie est toujours nette. Les fonds ne sont pas flous dans les gros plans. Je m'excuse, mon cher cousin, de ces quelques détails, mais il m'a paru impossible de parler d'Orson Welles sans les mentionner. Depuis 2 ans, Orson Welles s'est surtout manifesté à nous comme interprète dans plusieurs films, dont Le Troisième Homme, où sa création de quelques instants est particulièrement significative. Maurice Bessy, qui est un de ses amis, le situe dans l'action de ce film. Orson Welles apparaît et plus rien n'existe que sa présence. Il donne le spectacle de sa force et de son intelligence. Une force féline, indomptable, avec je ne sais quoi de malicieux et d'irrémédiable. Une intelligence brute, taillée dans le granit et qui se disperse en éclats brillants. Il apparaît et nous ressentons ce souffle d'angoisse qui écorche l'air au sortir d'un danger. Condamné par son meilleur ami, traqué par la police, il est poursuivi dans les égouts de Vienne. À bout de souffle, haletant, il veut sauver sa peau. Des coups de feu claquent, résonnent dans les souterrains en puanti. Cette course à la mort n'est-elle pas l'un des moments les plus angoissants que nous ait offert le cinéma ? Hey! Henry, come out. You haven't got a chance this way. What do you want? You might as well give up. Come on, sir. Get back. Get back. Get back, sir. Come back. Hey, come back, sir. On connaît tout d'un homme. On connaît sa légende, ses succès, ses coups du sort. On sait que son âme est à la mesure d'un corps inusité, souple de race et de génie. Mais il conserve son secret. J'aime Orson Welles parce qu'il lui suffit d'ouvrir la bouche, parce qu'il lui suffit de faire un geste et il m'apprend quelque chose. Il apporte un matériau à mon édifice. Je sais qu'il agit et qu'il se donne en homme, mais qu'il enregistre et qu'il reçoit avec une âme de femme. Je connais de lui 1000 détails émouvants, cocasses ou dramatiques que son intimité m'a révélés. Je sais qu'il était le cousin de Sumner Welles, qu'il collabora à la rédaction de nombreux discours du président Roosevelt, qu'il fut le champion en pleine guerre d'une affaire raciale qui bouleversa l'Amérique. Mais ce qui m'a toujours frappé en Orson Welles, c'est son détachement, on pourrait dire son ignorance de la possession. Car Orson ne possède rien, pas un livre, pas une photographie, pas un dossier, pas le moindre souvenir. Qu'il eût un tableau, et il en aurait voulu deux, puis trois, puis cent, puis mille. Aussi préfère-t-il ne jamais commencer cette course absurde. Il est seul sur cette terre, seul avec lui-même et ses quelques bagages. Je l'aime parce qu'il n'est pas de cette pâte dont on fait les hommes de tous les jours, parce qu'il fait partie de ce monde à titre de supplément, dot clandestin, comme un défi à Dieu. Et voici le témoignage de Jean Cocteau. J'ai connu Orson Welles en 1936, à la fin de mon tour du monde. C'était à Harlem, au spectacle de Macbeth, joué par les Noirs. Spectacle étrange et magnifique, où m'avaient conduit Glenway Westcott et Monroe Wheeler. Orson Welles était alors un tout jeune homme. Macbeth devait nous réunir de nouveau au Festival de Venise en 1938. Chose curieuse, je ne formais aucun lien entre le jeune homme du Macbeth noir et le cinéaste célèbre qui allait me montrer un autre Macbeth, son film, dans une petite salle du Lido. C'est lui, dans un bar de Venise, qui me rappela que je lui avais fait remarquer jadis que le théâtre escamotait d'habitude la scène de somnambulisme, alors que c'était à mes yeux la scène capitale. Le Macbeth d'Orson Welles, dont on ne vous a pas encore parlé dans cette émission, est d'une force sauvage et désinvolte, coiffé de cornes et de couronnes de carton, vêtu de peau de bête comme les premiers automobilistes. Les héros du drame se meuvent dans les couloirs d'une sorte de métropolitain de rêve, dans des caves détruites où l'eau suinte, dans une mine de charbon abandonnée. Jamais une prise de vue n'est hasardeuse. L'appareil se trouve toujours placé d'où l'œil du destin suivrait ses victimes. Nous nous demandons parfois dans quel âge de cauchemar se déroule ce Macbeth. Et lorsque nous rencontrons pour la première fois Lady Macbeth, avant que l'appareil ne recule et ne la situe, nous voyons presque une dame, en robe moderne, couchée sur un divan de fourrure, auprès de son téléphone. Dans le rôle de Macbeth, Orson Welles nous offre un tragédien considérable, et si l'accent écossais, imité par des Américains, peut être insupportable aux oreilles anglaises, j'avoue qu'il ne me gênait pas, et qu'il ne m'eût même pas gêné si j'eusse possédé parfaitement la langue anglaise, parce que l'on pourrait s'attendre à ce que des monstres bizarres s'exprimassent dans une langue monstrueuse, où les mots de Shakespeare restent ces mots. Orson Welles est une manière de géant, au regard enfantin, un arbre bourré d'oiseaux et d'ombres, un chien qui a cassé sa chaîne et se couche dans les plates-bandes, un paresseux actif, un fou sage, une solitude entourée de monde, un étudiant qui dort en classe, un stratège qui fait semblant d'être ivre quand il veut qu'on lui foute la paix. Il semble avoir employé mieux que personne l'allure nonchalante de la véritable force qui feint d'être à la dérive et se dirige d'un œil entrouvert. Cet air d'épave qui l'affecte parfois et d'ours ensommeillé le protège contre la fièvre froide et remuante du milieu cinématographique. Méthode qui lui a fait prendre le large, quitter Hollywood et se laisser porter vers d'autres compagnes et d'autres perspectives. Lorsque je quittais Paris pour New York, le matin de mon départ, Orson Welles m'envoya un automate, un admirable lapin blanc qui remuait les oreilles et battait du tambour. Il m'évoqua le lapin battant du tambour dont Apollinaire parle dans la préface Picasso Matisse de l'exposition Paul Guillaume et qui lui représente la surprise au détour d'un chemin. Ce jouet somptueux, c'était le vrai signe, la vraie signature de Welles. Et lorsqu'il m'arrive d'Amérique un Oscar qui représente une dame dressée sur la pointe des pieds ou qu'on me remette en France la petite victoire de Samothrace, je songe au lapin blanc d'Orson Welles comme à l'Oscar des Oscars et à mon véritable prix. Avec Welles, on pense que nous nous voyons très souvent. Non, ses démarches sont d'un côté et les miennes sont de l'autre. S'il entre dans un restaurant, le patron lui apprend que je viens d'en sortir et vice-versa. Nous détestons le téléphone. Bref, nos rencontres deviennent ce qu'elles doivent être, un miracle. Et ce miracle se produit toujours quand il faut. Orson Welles nous a fait le privilège de collaborer lui-même à cette émission. Il est venu nous parler de ses deux dernières réalisations qui sont Macbeth et Othello. Macbeth est son premier contact avec Shakespeare dans un studio. Il l'a réalisé presque sans argent et ce film est certainement un des plus terrifiques de ces 10 dernières années. Maintenant, il achève Othello. That's a very different sort of film because Macbeth was, as I tried clumsily to explain to you when we first met in Hollywood, and it is almost 3 years ago, Macbeth is an attempt at a kind of abstraction. And Othello is a very literal picture. It's made in real places. There's a deliberate attempt made to evoke the past, a particular epoch is constantly made reference to in the film. The film is filled with such references. And this is for two reasons. Actually, to begin with, Othello is another sort of play. Macbeth is a rhetorical play full of high flights of poetic fancy, and Othello is basically a domestic tragedy. Othello est une tragédie domestique dont l'époque et le lieu sont parfaitement déterminés et qui a dû être tournée sur place, tandis que Macbeth est une abstraction, une fiction poétique. And now you start with a new Shakespeare. Yes, I'm going to produce, but not direct. Not direct. Julius Caesar. Yes. And play Mark Antony in it. At the same time that is being shot, I am myself directing a film of Ulysses based on the Odyssey of Homer. It's an old idea, if you. Yes. Now we're starting it, And the films will be shot at the same time using many of the same actors. Yes. It's more economical that way. It's a special kind of operation that Hollywood knows all about, where a big studio is basically that, because you use a whole organization and make 15 films, and I'm applying a Hollywood principle to two films instead of to 15. That's really what it amounts to. Using many of the same staff, people, and so on, because we'll be on location in Egypt. Et maintenant, Orson Welles commence un nouveau Shakespeare, Jules César, qu'il ne mettra pas en scène. Il jouera tout de même le rôle de Marc-Antoine. Par contre, il dirigera lui-même Ulysse, d'après Homère, qui est une de ses vieilles idées. Il s'inspirera des méthodes de production à Hollywood, où on tourne jusqu'à 15 films dans les mêmes décors et avec les mêmes interprètes. Jules César et Ulysse seront donc tournés d'après ces principes. Well, I thank you very much. Is it possible now to have just a few French words? What do you know? Oui, ça, il se refuse énergiquement à dire le moindre mot de français. Il prétend que c'est à cause de son accent. Just before, I remember that 2 years ago, you told me your project to play in France, Moby Dick. Yes. Maurice Bessil lui rappelle Moby Dick, un ancien projet de pièce qu'il voulait monter en France. Unhappily, I saw that French theater is now presenting a new Moby Dick. Do you think you will present once your Moby Dick? I would like to very much. I had hoped to do it this winter, but our film plans would seem to make it an impossibility. So, however, it's the sort of play that should not be done for a long run. It certainly couldn't be played by me for a long run. It's physically almost impossible to do a thing like that more than 10 times in a row. You'd have to rest, or at least do it in repertory. Il le tournera peut-être. And then, an administration, please. I know you are writing a new play, because I saw you writing it. That's true. It's a play about, it's a comedy about a new weapon. A weapon to supersede the atomic bomb. And if you would like, my dear Maurice, you may translate it into French, and then we can perform it, because I can't ad lib in French, but maybe I can act in it. C'était Les Rois de la Nuit. Aujourd'hui, l'œuvre d'Orson Welles avec Pierre Larquet, Jean Cocteau et Orson Welles. Prise de son, André Payot et Paul Rimbaud. Assistante de production, Olga Lancement. Production, Maurice Cazeneuve, Maurice Bessy et Pierre Viollet. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 27 novembre 1949. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours ou la podcaster durant un an sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».